Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'enlèvement d'Anglo-Américains par les Français et leurs alliés amérindiens en Nouvelle-Angleterre au 17e et 18e siècle. Il y a eu des Warren, il y a eu des Otis, il y a eu des Steben, il y a eu des French, des Price, des Coss, des Hertz. Dans les captifs qui sont demeurés ici, il y en a peut-être à peu près 20 à 25 % des captifs qui ont décidé de demeurer en Nouvelle-France. L'historien Jean-Marc Faneuf qui énumère ici quelques noms de familles, de descendants de ceux qu'on a appelés les captifs de la Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-France. Ils seront quelques centaines à être enlevés lors de raids menés par les Amérindiens avec la complicité des Français dans des villages de la Nouvelle-Angleterre au 17e et au 18e siècle. Faits prisonniers, ces captifs seront amenés en Nouvelle-France et certains d'entre eux, dont ceux dont vient de nous parler Jean-Marc Faneuf, resteront ici et deviendront Canadiens. Pour nous raconter l'histoire de ces captifs anglo-américains au Canada, mon invité est l'historien Marcel Fournier, qui a publié en 1992 « De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France, l'histoire des captifs anglo-américains au Canada entre 1675 et 1760 ». Monsieur Fournier, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Dans quel contexte d'abord se déroule, c'est une histoire qui est assez peu connue, dans quel contexte ça se déroule ces enlèvements d'anglo-américains en Nouvelle-Angleterre? Bon, c'est principalement les guerres intercoloniales. Première guerre intercoloniale et les guerres entre les Amérindiens, bien sûr, du côté des Anglais et du côté des Français. On peut dire que ça commence à peu près vers 1675, là, où il y a la guerre du roi Philippe, nom d'un chef amérindien, qui est entre les colons des colonies américaines et les Amérindiens. Alors donc, la moitié des villages de la Nouvelle-Angleterre ont été attaqués à cette époque-là, mais par les Abénakis, donc les Amérindiens oui. eux-mêmes, qui ont ramené au Canada des captifs qui ont cédé à des familles de Montréal. Bon, ces captifs-là, quand on parle... D'abord, il y a différentes catégories, il y a carrément des prisonniers de guerre, mais il y a les captifs, là, qui vont être ceux qui nous intéressent plus aujourd'hui. Qui sont-ils? Ben, en fin de compte, c'est des villageois, des civils. Ben, c'est des civils, c'est des femmes, des enfants, des hommes, qui, lors des raids qui ont été faits vers la Nouvelle-Angleterre, donc les principaux raids à partir de 1677, principalement Durfee, lui a fait l'objet de plusieurs attaques, mais aussi Albany, Shenandoah, qui était tout près d'Albany, il y a eu des raids qui étaient faits par des officiers des troupes de la marine canadienne, canadien-français, avec l'appui des Amérindiens, soit les Mohawks de Kalawalake, qui étaient quand même catholiques dans ce sens-là, et donc qui étaient appuyés les Français. Donc, on allait à... Et en gros, c'est ça le mode d'emploi, là. Ouais, c'est les Français qui dirigent les oui. attaques, mais appuyés par les Amérindiens. Les Amérindiens. Et on dit aux Amérindiens, écoutez, votre butin, c'est l'enlèvement des femmes et des enfants. La plupart des attaques qui ont été faites, les hommes étaient tués. On n'avait pas besoin des hommes, mais on voulait avoir les enfants et on voulait avoir les femmes. Pourquoi les enfants? Pour les adopter dans les communautés amérindiennes, parce qu'il y avait une notion de la génétique. Ils savaient que en mariant ces Anglos, ces Blancs, en fin de compte, avec des Amérindiennes, on renforçait la race. Oui, parce qu'il y avait un problème, des trop petites communautés. Oui, bien, c'est un peu comme toutes les petites Exactement. Communautés, hein, en fin de compte, même y compris des Québécois, là, à une certaine époque, là, où les oui. mariages étaient très consanguins. Il y en a qui seront, puis on y reviendra à ça, mais c'est intéressant, il y en a qui seront vendus, oui. Il y en a qui à qui on demandera aux familles pour les récupérer une rançon, mais on va y revenir dans un instant. Un mot quand même sur comment ça se déroule, oui. ces opérations-là, ces raids en Nouvelle-Angleterre. On écoute d'abord un petit extrait de l'historien Denis Vaugeois à l'émission Au fil du temps en 1991. Alors là, c'est une succession d'attaques sournoises, de raids, comme on dit dans les livres. Les Canadiens font des expéditions vers les postes de la Nouvelle-Angleterre, toujours accompagnés d'ailleurs de bandes d'Amérindiens. Parmi ceux-là, il y a les Abénakis, qui sont de magnifiques guerriers et qui sont des alliés inconditionnels des Français, parce qu'eux autres, ils ont des comptes à régler en plus. Ils étaient autrefois dans la région du Maine. Ils ont été chassés de leur territoire d'origine par les Américains. Ils ont été déplacés vers l'Acadie. Les missionnaires les ont ramenés vers la vallée du Saint-Laurent. Et ici, ce sont des alliés des Français ou des Canadiens. Et ils les accompagnent donc dans les attaques qui sont menées contre les postes de la Nouvelle-Angleterre. Ces attaques-là sont épouvantables. À l'occasion d'une attaque, on pourra tuer facilement 40-50 personnes. On fait des captifs, on ramène les captifs ici. Donc, c'est une guerre sournoise, dure, sans pitié. Alors là, c'est une... Ça va être très, très dur, effectivement, Marcel Fournier. Guerre sournoise, nous dit Denis Vaugeois. Des attaques violentes. Oui, il y a des attaques, mais il faut penser aussi qu'il y a des attaques des deux côtés de la frontière, ouais. si on veut, parce que le massacre de la Chine, on s'en rappelle, 24 morts, 70 prisonniers qui ont été amenés en Nouvelle-Angleterre. La Prairie l'achetait, et j'en passe quelques-uns. Mais du côté, en fait, par contre... les Autochtones, les deux puissances, les Français, mais les Anglais se servent, en fait, ben les oui, Autochtones. Les Amérindiens sont comme dans une zone tampon, en fin de compte, entre les colonies anglaises et la Nouvelle-France. Donc, entre Kanawake, la Prairie, Chambly, Saint-François-du-Lac et la rivière Chaudière. Donc, ils sont installés dans ces régions-là. Donc, ils sont en zone tampon. Les attaques principales, il y a eu des attaques. On disait que les attaques étaient cruelles et sanguinaires. Les Amérindiens avaient pour butin la plupart des prisonniers anglais, surtout des femmes et des enfants qu'on a appelés captifs. Mm-hmm. Bon. Alors, donc, ces attaques-là ont été faites, exemple, à Dover. 23 morts, 29 prisonniers amenés à Nouvelle-France. Après Coller, près d'Albany, 60 morts, 32 prisonniers. Mais si on regarde quand même ici à Wells, là, 300 Anglais sont tués ou faits prisonniers. Quand même, c'est du monde, c'est ça. Et Deerfield, la plus importante, en 1704, 50 morts, 112 prisonniers, 17 sont tués au cours de la route vers la Nouvelle-France. Ouais, parce que c'est très, très long, ça, cette route-là. Oui, parce qu'il faut penser qu'on est l'hiver. La plupart des attaques sont faites en hiver parce que ça, c'est plus facile de circuler sur les rivières gelées l'hiver. Tu sais, bon, les Amérindiens ouvrent la piste, mais les autres n'ont pas de raquettes, ils marchent dans les pistes des raquettes. Hein? Mm-hmm. Donc, mais quand on ramène ces captifs-là vers la Nouvelle-France, bon, on part quand même du Massachusetts et on remonte jusqu'à Montréal. C'est alors, des centaines c'est quand de même kilomètres, long. Là. C'est des centaines de kilomètres, donc on doit camper pendant la période. Donc, si les gens sont malades ou ils peuvent plus suivre, on les abat tout simplement. Ouais. Donc, et c'était quand même cruel. Et des Anglais... suite à ces raids-là, ont eu très peur des officiers de la Nouvelle-France, surtout les officiers canadiens qui étaient à la tête de ces Amérindiens-là, parce que là, je veux dire, ils trouvaient que c'était des gens qui avaient une force, une grande force et une force militaire aussi. Denis Vaudois parle de la force guerrière des Abénakis. Oui, là. Oui, la force guerrière des Abénakis. Alors donc, c'est sûr que si les... parce que bon, les troupes de la marine sont arrivées en 1683, donc les attaques ont commencé surtout vers 1689-1690, lors de la guerre de la Ligue d'Osbourg. Mm-hmm. Principalement. Donc, les conflits anglo-américains. Et c'était aussi une première guerre coloniale, en fin de compte, entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. C'est violent, vous nous l'avez dit. Concrètement, ça se passe comment? Ils attaquent... Oui, ça se passe. Donc, on attaque principalement la nuit ou très tôt le matin, pendant que les gens dorment. Donc, on attaque les villages. Je pense qu'il y a une belle illustration sur le livre de la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France. Donc, on voit cette attaque de nuit qui est faite là. Donc, c'est très sanguinaire et très cruel. C'est une question de surprise. De toute façon, c'est toujours de surprendre l'ennemi. Même dans les guerres qui ont suivi, les guerres à la canadienne, comme on a appelé par les troupes de la marine, c'était des guerres surprises. Mm-hmm. Donc, on voulait surprendre l'ennemi plutôt que de l'attaquer de front. Donc, on arrive au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on met le feu, on met le feu les maisons, on tue principalement les hommes, mais on garde en butin, comme je l'ai déjà dit, un peu les femmes, les enfants, parce qu'ils ont une espèce de valeur marchande et une valeur génétique, comme je l'ai dit. Ils sont combien, de fait, là, Français et Amérindiens, là, une escouade, si vous voulez, c'est combien de monde? À peu près, là, on peut dire à peu près entre 75 et 150. Ouais. Ça dépend des endroits qui sont attaqués, de la longueur du territoire à couvrir. Mais donc, on peut considérer qu'il y a peut-être une cinquantaine de Canadiens ou de Français, puis à peu près une cinquantaine aussi d'Amérindiens qui accompagnent. Parce que c'est eux, en fin de compte, qui connaissent le territoire. En fin de compte, c'est un peu les guides, en fin de compte, qui permettent de savoir où sont ces villages-là, parce que l'interconnexion, les communications se faisaient quand même, là, savoir où attaquer, où aller, en fin de compte, avoir les renseignements là-dessus. L'intérêt de chacun là-dedans, cette alliance-là, ça tient à quoi? Qu'est-ce que les Français, les Canadiens veulent? Qu'est-ce que les Amérindiens veulent? C'est tout la question de la traite des fourrures. Le territoire de traite des fourrures, c'est ça qui est le moteur économique autant de la Nouvelle-France qu'une partie de la Nouvelle-Angleterre, surtout lorsque les Hollandais étaient à Albany. Là, hein. Pour les Anglais, ils étaient moins forts sur la traite des fourrures, mais les Hollandais étaient quand même très forts. Et donc, toute cette mobilité-là, on amenait ces prisonniers-là donc ici à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières. Certains restaient dans les communautés amérindiennes, comme les Guilles, exemple, mais d'autres étaient rachetés par des familles bourgeoises de Montréal et élevés dans la religion catholique et la langue française. Ouais. Mais il faut dire aussi, juste mentionner, ça faisait beaucoup de monde, là. Il y a des prisons à Montréal, là, on ne pouvait pas contenir tant de monde que ça. Il y a eu des échanges de prisonniers. Il y en a eu en 1690, 92. Il y en a eu au moins une dizaine d'échanges de prisonniers. Comme ça se fait dans les guerres modernes, on échange les prisonniers, on fait un temps de paix, une trêve, on échange les prisonniers. Le gouverneur de la Nouvelle-France écrit au gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, bon, on fait un échange de prisonniers et on s'échange nos prisonniers. Mais il y en a qui ne veulent pas partir parce qu'une des particularités de cette affaire-là, oui. c'est que beaucoup vont rester. Ils sont intégrés. Bon, vous dites, il y en a qui sont remis aux familles parce que la famille verse une rançon. Oui. Il y en a qui sont adoptés par oui. les communautés amérindiennes et s'intègrent très bien. Oui. Il y en a qui se retrouvent à Montréal ou ailleurs et qui sont... un peu domestique, je pense, mais vraiment jamais esclaves, mais qui finissent par très, très bien s'intégrer. Tout ce monde-là s'intègre. Ils sont élevés pas comme des, absolument pas comme des esclaves et absolument pas comme des prisonniers. Ils sont adoptés par des familles canadiennes à Montréal, comme je dis, Québec, aux Trois-Rivières. Et plusieurs de ces enfants-là qui ont été élevés à l'âge de 3, 4, 5 ans, une fois qu'ils ont appris le français, ils sont devenus catholiques. Pour eux autres, leur ancêtre ou, en fin de compte, leurs parents qui sont probablement décédés ou ils n'ont pas de nouvelles, pour eux, il n'y a plus d'intérêt. Donc, on décide de rester en Nouvelle-France et on voit qu'en 1710 et en 1713, il y a des naturalisations. Oui. Alors, la plupart de ces captifs-là sont naturalisés français, en fin de compte, et donc, ils demeurent, ils deviennent des citoyens à part entière, dans une certaine mesure. Oui. Et donc, beaucoup vont rester. Puis là, on revient un petit peu à ce qu'on entendait au tout début de l'émission. Ces familles, en fait, il y a beaucoup de noms de familles qui existent, des familles qui se sont établies ici, qui sont descendants de ces familles des captifs. On écoute à nouveau, justement, celui qu'on entendait au tout début de l'émission, l'historien Jean-Marc Faneuf, qui parle de la famille Farnsworth, les Farnsworth, qui sont devenus les Faneuf. C'est à l'émission de Serge Bouchard qu'il raconte tout ça. Et oui, je suis un descendant des captifs. Les Faneuf. Est-ce que oui. ça vaut pour tous les Faneuf? Ça vaut pour tous les Faneuf d'Amérique, tous les Faneuf du monde entier, parce qu'il y a des Faneuf qui sont en France alors, maintenant. Alors, racontez-nous ça. Puis là. L'histoire de Mathias, c'est ça. Lui, il a été enlevé en 1704, au mois d'août 1704, non pas à Deerfield, mais à Groton. Puis c'est un petit bonhomme qui était en train de faire les foins. Il y a un petit groupe d'Amérindiens, non pas d'Abénaquis. Il y avait sûrement des Abénaquis là-dedans, mais c'était des Amérindiens qui venaient de Montréal, qui venaient du Sault-Récollet à Montréal. Il y a eu une embuscade, puis ils ont attaqué ces gens-là. Ils ont ramené deux captifs. Ils ont ramené Mathias et ils ont ramené un soldat Butterfield. Alors, les Faneuf, c'est une des familles, des grandes familles descendantes des captifs qu'on connaît. Il y en aura plein. Hein? Les Carter vont devenir les Chartier, les Edmonds vont devenir les Edmonds. Parlons de quelques cas intéressants. Les Faneuf, d'abord. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, les Faneuf, oui, comme dit l'historien Jean-Marc Faneuf, ont été enlevés à Groton. Donc, ils venaient du Massachusetts. Ils ont été amenés vers Sault-Récollet à Montréal. Lui, s'est marié en 1711, après avoir été naturalisé, et s'est installé à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et là, il y a eu une descendance quand même assez importante. Un des descendants, c'est bien connu, c'est Michel Faneuf, le chroniqueur de vin. Ouais. Ça, c'est un seul exemple, mais il y en a beaucoup. Les Gill, ça aussi, c'est un exemple intéressant. Oui, oui, ils sont parmi... il y a eu 227 captifs qui ont été enlevés, si on peut dire, entre la période connue. Mais 150, à peu près, se sont réellement intégrés, sont devenus. Donc, justement, les Gill, dont l'un des descendantes est l'auteur Pauline Gill, hein, Samuel Gill de Salisbury au Massachusetts, qui est enlevé en 1697 et adopté par les Abénaquis de Saint-François-du-Lac. Il a épousé une autre captive, Rosalie Jane, puis il a eu 5 enfants qui se sont établis dans la région de Pierreville. Donc, les familles Gill, il y a eu dans l'histoire le juge Gill, enfin, à une certaine époque. Donc, cette grande famille-là est unique aussi. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant pour les généalogistes, c'est que si on porte un nom de Gill, on peut comprendre qu'on a des noms assez francophones. Mais si on parle, mettons, on s'appelle Stébène. Un autre exemple, le nom est Stebbins. Alors, Stebbins... Ces noms se transforment, se francisent. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont francisés, les noms. Hein. Donc, descendant Claude Stebbins, en fait, le comédien, son ancêtre, John Stebbins, Northampton, 1647, qui est né, il est enlevé en 1704, il est amené en Nouvelle-Angleterre, il est à Montréal en 1708, et il a fait l'objet d'un échange lors du traité d'Utrecht, mais 3 de ses 4 enfants sont demeurés en Nouvelle-France. Lui, il retourne en Nouvelle-Angleterre avec son épouse, mais les enfants sont intégrés. Vous dire que la famille était séparée. Hein? Vous dire qu'ils n'étaient pas tous dans la même famille. Alors donc, c'est un bel exemple ici de ces Stébènes-là qui sont maintenant des familles connues. C'est assez fascinant parce qu'au fond, on parle de gens qui sont capturés dans des raids menés par les Français et les Amérindiens, mais qui vraiment, écoute, c'est fou un peu quand on y pense, vont s'intégrer. Non seulement vont s'intégrer, mais comme vous nous le disiez, vont recevoir le statut de citoyen, là, vont vraiment devenir des Canadiens. Il y a un cas qui est formidable. Le cas d'Esther Wheelwright, très, très intéressant cas. Serge Bouchard nous raconte son histoire à l'émission Les Remarquables Oubliés en 2008. Au début du mois d'août 1703, le 10, plus précisément, le village de Wells fut attaqué. Une vingtaine d'habitants furent tués et une vingtaine d'autres furent capturés et ramenés par les ravisseurs en pays Abénaki. Parmi eux, la petite Esther Wheelwright, âgée de 7 ans. La bande de guerriers, avec leurs otages, voyagea à travers la forêt pendant une dizaine de jours afin d'atteindre le village Abénaki de Norridgewock, à 200 milles au nord. Durant le voyage, Esther ne fut pas maltraitée, son ravisseur lui facilitant la vie de toutes les façons possibles. Il l'habilla à la mode indienne et l'enduit d'ocre et de boue séchée pour la protéger contre les moustiques. Elle fut bien nourrie. Esther restera au village Abénaki pendant 2 ans, de 1703 à 1705. Elle fut adoptée par une famille, la famille Moxus. Assez rapidement et assez facilement, semble-t-il, elle devint une jeune Abénakise, parlant la langue et se moulant à la vie sociale de la communauté. Elle s'appelait désormais Molly, qui est Marie en Abénaki. La petite apprend la spiritualité animiste des Algonquiens. Elle passe d'une culture puritaine extrêmement rigide à un univers amérindien très fluide. Elle vit en fait le contraire symétrique d'une jeunesse protestante. Dans les jeux, dans la liberté, elle fait exactement ce qu'elle ne pouvait envisager de faire dans sa famille originale. Cette histoire-là, Marcel Fournier, l'histoire d'Esther Wheelwright que nous raconte ici Serge Bouchard, ce qu'on vient d'entendre, c'est déjà une histoire formidable, mais ce n'est que le début de l'histoire d'Esther Wheelwright qui vraiment va être un parfait oui. exemple d'intégration. Oui, parce que, bon, comme a dit Serge Bouchard, elle était enlevée. Elle est passée, bien moi, j'avais 5 ans chez les Abénaki, mais bon, 3 ans ou 5 ans, là, ça ne fait pas beaucoup de différence, donc élevée dans la tradition abénakise. Mais à un moment donné, c'est le gouverneur de la Nouvelle-France, en fin de compte, qui, à la demande du gouverneur Vaudreuil, rachète chez les Amérindiens Esther Wheelwright et la confie aux Ursulines de Québec. Donc là, elle quitte la communauté amérindienne, élevée en fin de compte par les Ursulines de Québec, et là, elle prend le voile, elle décide de devenir religieuse, et par la suite, ce qu'on verra à l'Hôtel-Dieu de Québec, elle deviendra la supérieure des Ursulines de Québec en 1760. Mm-hmm. De 1760 à 1766, elle est supérieure de la communauté. Imaginez. Alors donc, oui, Wheelwright, parce qu'elle, elle a conservé son véritable nom. Parce que dans les captifs, certains noms ont été francisés, comme on l'a vu, mais d'autres personnes, comme les Hayes, les Otis, les Princes, ont conservé leur nom d'origine. Et donc, c'est plus facile à l'oreille d'avoir une idée. Mais quand on a d'autres familles, comme exemple les Colbert, ou en fin de compte, les Aymon, on ne peut pas savoir réellement. Ça prend des généalogistes un peu pour faire la recherche pour trouver ces origines-là. Ouais. Mais Esther Wheelwright est un beau cas. Il y en a d'autres cas aussi. Et juste une petite parenthèse, oui. Mais elle, en fait, sa famille, il va vouloir la récupérer. Oui. Mais en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle va entrer chez les religieuses. Elle ne veut pas retourner à la Nouvelle-Angleterre. Ah non. Donc, comme je l'ai dit, la plupart, en fin de compte, il était élevé dans une certaine sévérité. Elle était de religion congrégationniste. Donc, congrégationniste, dans ce côté-là, dans son village de Wells, là, qui est dans le Maine, là, c'était quand même assez religieux. Oui. Là. Et donc, on peut comparer que la Nouvelle-France, qu'on était une population très religieuse, mais il faut penser aussi que nos amis de la Nouvelle-Angleterre, elle était aussi tout autant. Alors donc, élevés d'une façon serrée, vivent chez les Amérindiens. Écoutez, on a la même tradition. Regardez les coureurs des bois canadiens qui ont vécu chez les Amérindiens. C'est un peu la même chose, le sentiment de liberté. OK, là, c'était plus des hommes qui allaient dans les communautés, ouais. dans les communautés amérindiennes. Il y avait l'attrait aussi de la princesse abénakise, etc. Mais donc, ce phénomène-là est quand même assez important. Et elle, donc, c'est un bel exemple d'intégration complète et devenir supérieure de sa communauté. Alors, c'est quand même un phénomène assez intéressant. Mais je vous interrompais, vous alliez dire, il y en a d'autres, là. Il y a d'autres cas dont vous voulez parler. Oui, il y a d'autres cas, bon, que j'ai relevés dans mon livre, bien sûr. Là, c'est il y a quelques années quand même, je les ai peut-être moins à la mémoire, mais il y a d'autres cas fort intéressants. Il y en a qui sont devenus même militaires en Nouvelle-France, sont devenus des soldats en Nouvelle-France, dans les troupes de la marine, alors qu'ils sont adaptés carrément. Ils ont combattu leurs ancêtres, dans une certaine mesure. Mais... Tout l'intérêt de ce groupe-là, qui est un groupe minimal, 10 000 pionniers en Nouvelle-France, 150 qui sont... Donc, c'est une goutte d'eau. Mais c'est ce qui fait l'histoire. Mm-hmm. C'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire. C'est ces petits groupes-là qui nous arrivent d'ici et là et qui nous permettent de voir qu'on a quand même une ouverture d'esprit, oui, dans une certaine mesure, à recevoir des gens qui sont étrangers à la communauté, parce qu'il fallait penser qu'en Nouvelle-France, il fallait être catholique pour immigrer. Mm-hmm. Bon, il y a eu des protestants, c'est connu, mais en majorité, on était catholique, il n'y avait pas d'église protestante. Puis au fond, puis je l'évoquais, mais très rapidement un peu plus tôt, c'est vraiment cette petite tranche d'histoire, Marcel Fournier, ça fait partie de la plus grande histoire de l'immigration au pays, de l'intégration au pays aussi. Il y a d'autres groupes qui sont fort intéressants aussi. J'évoquais, par exemple, les fils de famille et les faux-sauniers qui sont venus ici en Nouvelle-France par lettre de cachet du roi. Bon, ils étaient français, c'était plus facile de s'intégrer, mais ils étaient envoyés comme prisonniers, en fin de compte, dans une certaine mesure, en Nouvelle-France. On peut penser aussi aux protestants qui sont venus en Nouvelle-France. Il y a eu quand même, même si c'était pas admis, plusieurs étaient protestants. Henri Dorion, là, le célèbre géographe, son ancêtre Dorion, c'était un protestant. Oui. Alors donc, il y a certains de ces groupes-là. On peut penser aussi qu'il y a eu des Européens, il y a eu des anglophones qui sont venus sur la période de la Nouvelle-France, des Écossais, des Irlandais, avant 1760. J'ai fait un relevé dans un livre là-dessus. Les captifs, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Vous parliez d'une toile là, qui est visible au musée des Ursulines, oui, de Stairwell Wright, mais qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui, ben, il reste... ici et en Nouvelle-Angleterre? Ben, il reste des plaques. Hein? On a beaucoup de plaques, surtout en Nouvelle-Angleterre. Il y en a plus en Nouvelle-Angleterre, oui, qu'en en Nouvelle-France. C'est eux qui ont été victimes, plus commémoratif... Oui, on est plus commémoratif en Nouvelle-Angleterre qu'en Nouvelle-France. Là. Alors donc, ici, au Canada, surtout au musée des Abénaki à Odanak, on a quand même des références. On a des références aussi à l'enlèvement au fort de Chambly, où il y a des panneaux qui illustrent bien tout l'enlèvement à partir des villages de la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Nouvelle-France. Donc, une belle visite à faire au fort de Chambly, ça va vous intéresser, ce sujet-là. C'est sûr que la grande partie de tous ces descendants-là, plusieurs le savent, qu'ils sont d'origine dans la Nouvelle-Angleterre. Ce qui est phénoménal dans la généalogie, ceux qui s'intéressent à la généalogie, c'est que nous, on est habitués à faire des recherches pour nos ancêtres viennent de France. Oui. Alors, eux, leurs ancêtres viennent de Nouvelle-Angleterre, oui, et de l'Angleterre. Oui. Alors, donc, là, c'est différent. Ça fait des beaux croisements. La prochaine, oui, fois que je vais au fort de Chambly, Marcel Fournier, je vous amène avec moi. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Marcel Fournier, historien, auteur du livre « De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France, l'histoire des captifs anglo-américains au Canada entre 1675 et 1760 ». Merci à toute l'équipe. Mathieu Beauchamp, la réalisation, les recherches Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.